Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Carapatage 93. Alors, ce soir, il y a dans le à la technique. Coucou, c'est Henri. Et avec moi dans le studio. Salut, c'est Avril. Alors, on se retrouve ce soir pour une émission. On va parler un petit peu d'actualité. Et ensuite, ce sera une émission en partie consacrée à la révolte qui a eu lieu à Saint-Maur en 1987. On en parle parce qu'on a trouvé pas mal de témoignages de cette révolte et qu'on a eu aussi accès à un témoignage de Yves, prisonnier entre autres dans les années 80, qui raconte l'isolement, le QHS et les QI et les luttes à l'intérieur, dont cette révolte. Et ça nous semblait assez lié à l'actualité et que c'est un témoignage assez chouette à écouter. Et un peu sans transition, je vais vous parler de la fin de la grève de la faim à Vendin-le-Vieil, donc une des prisons de haute sécurité contre les narcotrafiquants, entre guillemets. Et donc, selon les syndicats de matons relayés par France 3, il n'y a plus qu'un seul détenu en grève de la faim au 16 septembre. Grève de la faim qui avait commencé tout début septembre, le 1er septembre. Je ne sais pas où ça en est depuis le 16 septembre, en fait, je n'ai pas d'autres infos. Ils étaient en tout cas un tiers des prisonniers, de tous les prisonniers de la prison à avoir fait leur grève de la faim, et il ne restait plus que la moitié de ce tiers au bout d'une semaine. Au même moment où Darmanin avait annoncé que les sanctions sur les inondations de cellules allaient commencer à tomber. Alors que dans un texte, les prisonniers grévistes demandaient de meilleures conditions de détention, notamment pour les visites des proches. On sait que la prison, ce n'est pas qu'une peine que pour la personne enfermée, mais aussi des difficultés et parfois des violences envers les proches qui vont au parloir. Il semble que les matons vont être aussi cagoulés pour entourer les parloirs, etc. Donc ça a déjà été évoqué dans la dernière émission, l'émission précédente, donc je vous laisse un peu revoir, réécouter cette émission et voir les liens qui avaient été mis. On essaiera de relayer s'il se passe d'autres choses à l'intérieur. Car si le but c'était qu'il n'y se passe rien et que la paix ne semble prête à rien lâcher, il y a quand même déjà eu plusieurs tentatives de résistance depuis l'ouverture de ces prisons. Et d'ailleurs, on sait maintenant que beaucoup de personnes enfermées y sont en préventive. J'en profite aussi parce que pour dire qu'en lien là de cette émission sur notre blog, j'ai rajouté une lettre de Redouane Faïd qui a été lu et adressé au journal L'Envolée. Et donc, il était, lui, à Vendin-le-Vieil aussi, avant que ça se transforme en prison comme ça, quoi. Et où il a mené une lutte, une grève de la faim contre ses conditions d'isolement. Et voilà. Et là, il a été transféré à l'autre prison de haute sécurité, disons, à Condé-sur-Sarthe. Voilà. Donc, si vous voulez lire sa lettre, on la met en lien sur le blog. Et donc, c'est moi qui enchaîne aussi pour vous parler de témoignages de Camp Est, qui est une des prisons en Kanaky. Il y a deux lettres qui viennent d'être publiées dans le journal CQFD de septembre. Et ces lettres qui sont, pour certaines, une de l'année dernière, une plus récente. On va vous en lire qu'un extrait d'une seule, mais on mettra les deux lettres. On vous invite à les lire sur notre blog aussi. Voilà. La lettre que je vais lire s'appelle « L'État veut tout faire pour sortir l'idée de souveraineté et d'indépendance de nos têtes ». Il y a une petite introduction qui dit « Condamné à 2 ans de prison pour violence sur force de l'ordre lors des révoltes de 2024, S est enfermé à la prison de Caen-Est depuis plus d'un an ». Depuis sa cellule, il écrit régulièrement des lettres manuscrites à ses soutiens à l'extérieur. Avec leur accord, nous publions des extraits de sa correspondance. Je suis observée, surveillée dans cette prison d'État. L'administration pénitentiaire lit mes courriers et peut les censurer, les signaler, les bloquer, si elle estime que cela peut porter atteinte à l'intégrité de l'État colonial français. L'État veut tout faire pour sortir l'idée de souveraineté et d'indépendance de nos têtes, et ce, par son appareil judiciaire, ou comme ici, en usant de moyens psychologiques. Mais il refuse de comprendre que ces aspirations font partie de notre ADN, de notre histoire, de notre quotidien, de nos raisons de nous lever et de nous élever chaque matin. Aujourd'hui, je suis capable de dire que le camp Est est un appareil d'État qui sert à saquer du Kanak. Tu n'imagines pas le nombre d'hommes qui perdent la tête ici, qui sont sous traitement lourd. Les détenus s'échangent entre eux des cachets d'anxiolytiques comme des desserts, des baguettes, du tabac. Pour cela, ils marchandent avec les détenus qui bénéficient déjà de traitements réguliers délivrés par les psychiatres. Et ils en consomment à haute dose, écrasés en poudre, mélangés à du tabac, à de l'eau ou du café. Souvent, les détenus tombent KO dans la promenade et il faut les porter jusque dans leur cellule. Ils ne parlent plus, ne bougent plus, et ils se bavent dessus, se vomissent dessus, s'urinent dessus, se chient dessus. À force, ils perdent la tête et deviennent des légumes. La lumière de la raison laisse place à l'obscurité, et le détenu ordinaire ne peut y échapper. Les hommes deviennent des corps vides dans cette tôle. Ça me fait mal au cœur de voir l'état lamentable de mes frères. La prison est remplie de gens qui n'ont commis que des vols. Certains ont pris pour cela des peines à deux chiffres. Ce sont des jeunes, plus que moi parfois. Le plus jeune que j'ai rencontré, il a seulement 16 ans et demi. Tu te rends compte? Et puis, il y a les piqûres sur les détenus qui font des crises de colère. Le mec dans la cellule à côté de moi, depuis qu'il a fait une crise, il reçoit des piqûres tous les 2 à 3 jours. Cela fait maintenant 2 mois qu'on ne l'entend plus. Il a été incarcéré parce qu'il a pété un carrefour pendant les événements. Maintenant, il ne parle plus. Il ne crie plus « Kawaki Dawani »,« Kanaki Dawani » à bas l'État français. Tous les jours et toutes les nuits, B et moi parlons politique, culture, tradition, sociale. J'ai hâte de sortir, savourer la liberté et surtout de ne pas remettre les pieds dans cette tôle. Dis aux autres dehors de ne pas nous oublier, nous qui sommes à l'isolement et en détention ordinaire. Nous aussi, nous sommes des combattants de la Kanaki libre. Et le mot que j'ai lu, Kanaki Dawani, ça veut dire Kanaki tous les jours. Merci pour cette lecture, Henri. Alors là, on va parler d'un appel à la solidarité avec la grève de la faim de 16 prisonniers politiques à Jakarta. C'est aussi l'occasion de parler un peu de ce qui se passe en Indonésie. Ouais. Alors du coup, il y a eu... on en a parlé, je crois, dans cette radio. Il y a eu entre le 25 août et le 3 septembre dernier, un soulèvement émeutier très important en Indonésie. Face auquel l'État indonésien a fait preuve d'une répression féroce et a arrêté, pour ce qu'on sait aujourd'hui, des milliers de personnes qui sont encore détenues dans divers commissariats à travers le pays et qui continuent encore aujourd'hui les arrestations. Et les autorités ont explicitement fait du réseau anarchiste la tête pensante de la révolte et ils cherchent activement à cartographier et démanteler le mouvement anarchiste présent en Indonésie, notamment à partir de comptes sur les réseaux sociaux. Et ce, avec de nombreux chefs d'accusation qui vont de cybercriminalité, dégradation et allant jusqu'à l'usage de lois antiterroristes, en s'appuyant sur ça, notamment sur des financements de l'étranger, des financements étrangers qui sont en fait le mouvement anarchiste à l'échelle internationale, quoi, des liens que les compagnons avaient un peu partout dans le monde. Et donc depuis le 16 septembre, 16 compagnons détenus au Comico de Jakarta ont entamé une grève de la faim, si j'ai bien compris, jusqu'à la libération, ils disent jusqu'à la libération de tous les prisonniers du mouvement. Et c'est relayé notamment par un collectif de solidarité et de prisonniers anti-autoritaires qui s'appelle Serikat Tahanan, qui s'est monté en 2023, et qui appelle, je vais les citer, « En réponse à cette grève de la faim, nous appelons au soutien et à la solidarité de tout le mouvement anti-autoritaire pour participer à la campagne pour la liberté des 16 prisonniers politiques à Jakarta, 42 à Bandung, ainsi qu'à Samarinda, Pontianak, Makassar et d'autres villes suite aux manifestations disbandées hier, entre le 25 août et le 3 septembre. Il y a des centaines d'autres prisonniers dans les villes qui ont reçu moins d'attention. Soutenez-les. Personne n'est libre tant que toutes ne sont pas libres. Alors c'est possible de les contacter par mail, Twitter et Instagram, et vous pourrez retrouver les liens sur le blog carapatage.noblogs.org. Ok. Et maintenant tu vas nous parler d'une attaque, entre autres, d'un centre de rétention à Dallas. Oui, alors ça c'est passé un peu partout dans les médias ces derniers jours. À Dallas, du coup, aux États-Unis, il y a une personne qui a fait feu sur un véhicule qui rentrait dans un centre de rétention géré par ICE, la police aux frontières. Et il a tué un détenu et en a gravement blessé deux autres avant de se donner la mort. Et un des deux blessés est décédé hier. Alors, très rapidement, le camp trumpiste a accusé la gauche radicale et même le Parti démocrate d'être à l'origine de cet assassinat, notamment avec pour preuve une balle qui aurait été retrouvée portant les inscriptions anti-ICE. La gauche démocrate, toujours prompte à se désolidariser de toute action hors de ses clous, leur renvoie la balle. Alors devant ce ping-pong auquel on commence à être un peu habitué, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait avoir de la sympathie pour cette action, comme ce qui a pu arriver avec Luigi Mangione ou l'assassin de Charlie Kirk? Et je vais, pour ma part, non. Parce que même en admettant qu'il partait d'une bonne volonté et que son idée c'était de s'en prendre à ICE, mais le résultat c'est qu'après des dizaines de tirs, c'est deux détenus qui sont morts et un autre qui est gravement blessé. Et du coup, cette action-là qui se produit régulièrement, qui est de choisir de prendre un fusil, ça implique un truc très lourd qui est de surtout jamais prendre le risque de mal viser. Et oublions pas aussi que si on entend beaucoup parler de ça, il se passe plein de choses, des sabotages, des incendies, des émeutes et beaucoup de solidarité. Tout ça, ça se passe dans un contexte qui se durcit au pays de l'oncle Sam. Trump, après l'assassinat de Charlie Kirk, il a signé un décret qui désigne le mouvement Antifa comme une organisation terroriste. Ça a deux conséquences. Ça permet de mobiliser beaucoup plus facilement des moyens de surveillance, de renseignement et de répression beaucoup plus élevés. Et puis la deuxième, c'est que le mouvement Antifa, c'est pas une organisation. Ça n'a pas de définition claire, mais une définition plutôt au contour très flou et mouvant, ce qui arrange bien le pouvoir. Et donc à peu près toute personne choisissant d'agir pourrait à un moment être considérée comme appartenant potentiellement à une organisation terroriste. Et dans le même temps, c'est pas anodin qu'on voit ICE apparaître dans cette histoire, parce que la police aux frontières, qui est réputée pour sa maltraitance dans ses tôles, elle a été mobilisée massivement depuis le retour de Trump, et plus particulièrement en Californie et à Los Angeles ces derniers temps, et ça a déclenché une vague de terreur, mais aussi de protestations qui se sont répandues dans tout le pays. Et à ce propos, hier et avant-hier, se tenait le procès, un procès qui fait suite à une de ces manifs, le 4 juillet devant le CRA de Prairie Land. Ouais, je vais pas faire de blagues sur ça. En tout cas, il y a 17 personnes qui ont été arrêtées et qui sont depuis maintenues en détention. Et 8 d'entre elles sont passées devant la Cour fédérale hier. Et ils sont accusés de guet-apens, c'est-à-dire d'avoir incendié des voitures sur le parking du CRA et tiré des feux d'artifice. Et alors que les condés de ICE intervenaient, d'avoir tiré des coups de feu sur eux à de multiples reprises, en blessant un des keufs à l'épaule, si j'ai bien capté. Et du coup, de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu les peines, mais ils sont 14 à risquer des charges liées aux coups de feu. C'est-à-dire qu'il y en a 11 qui risquent d'être condamnés pour tentative de meurtre. Et un pour obstruction, je n'ai pas compris, et deux qui risquent 3 ans pour avoir essayé un ou des tireurs de les aider à s'échapper. Et je me suis perdu. Et ben voilà. En tout cas, et la dernière chose, c'est que Trump, il a annoncé qu'il allait lancer une nouvelle opération ICE à Chicago dans les temps qui viennent. Et Chicago, où beaucoup de choses s'étaient passées pendant l'opération ICE à Los Angeles. Du coup, on espère qu'ils vont arriver à tenir tête. Merci pour cette petite mise à jour et information de ce qui se passe, d'une partie de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que tu veux nous parler aussi d'une autre, une révolte dans une prison aux États-Unis, à Virginia. Oui, ça va être beaucoup plus court parce qu'il n'y a pas eu trop d'infos, mais en gros, en mai dernier, il y a des matons qui se sont fait bien savater par les gens en tôle. Et il y en a trois qui ont été blessés. Et après ça, six des détenus ont été interpellés et ont été inculpés de 66 crimes. Là, il y a un mois, il y a quelques semaines. Et il y a une personne par enfin, nous, cette info, on l'a de troisième main. Mais du coup, il y a une personne qui a posté une lettre depuis la tôle qui décrit un peu la situation, notamment sur le fait que on sait tous que 5 matons ont été plantés, mais ce qu'on sait pas, c'est que depuis, ils se sont bien vengés, qu'il y a 3 tôlards qui ont été tabassés à mort, qu'il y en a un autre qui a fait une overdose, et que les conditions sont très compliquées dans cette tôle, et qu'ils sont forcés de rester sans téléphone, ou que le courrier ne passe quasi pas à la censure. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent, mais dans tous les cas, je leur envoie beaucoup de courage. Eh ben, ouais, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent, mais... I send you much... Non, attends, je parle pas anglais. Et du coup, bah, merci. On remercie aussi le blog dinguerie.noblogs.org qui nous... quand même une source importante pour ces brèves, en partie. Et on voudrait relayer, pour terminer, un appel à contribution pour créer un outil d'autodéfense face à la prison pour les personnes transfemmes et leurs proches. C'est à faire tourner, donc on y va. On l'a trouvé sur plusieurs sites internet et on s'est dit d'en lire une partie. Et on vous mettra le lien sur le blog. On est des personnes transfemmes touchées par la question de la tôle parce que ça existe dans nos vies, qu'on y est passé brièvement, qu'on a des proches qui y vont ou qui y sont et que c'est une éventualité qu'on y aille ou qu'on y retourne. On est contre tous les enfermements et contre le monde qui en a besoin pour protéger ses intérêts. L'État, le capitalisme, le patriarcat et toutes les formes de domination. On considère qu'il n'y a pas de bonne manière d'enfermer les gens. On veut pas de prison plus humaine, on veut les détruire. On fait le constat qu'on manque de ressources sur la réalité des transfèmes en tôle. Alors on voudrait faire cet outil pour que ça puisse nous servir à nous, mais aussi à d'autres. Ça prendrait probablement la forme d'une brochure. Dans cet appel à contribution, on se limite au contexte des prisons contrôlées par l'État français et soumises à sa justice, métropole et « entre guillemets ancienne colonie ». Ça ferait grave du sens d'avoir des ressources sur des vécus en HP, hôpital psychiatrique, ou en CRA, centre de rétention administratif. Mais ici, on va se concentrer sur les transfèmes qui passent par la case prison, que ce soit dans l'attente d'un procès, en étant condamné avec un aménagement de peine, etc. L'existence des personnes trans est instrumentalisée de tous bords, que ce soit par des libéraux se prétendant inclusifs pour en tirer profit, ou par des réactionnaires y voyant un danger, une décadence pour leur civilisation. Celles et ceux qui sortent des normes et assignations genrées dans lesquelles on cherche à nous enfermer sont fortement stigmatisés et réprimés par le système patriarcal et étatique. La classe dominante a toujours eu besoin de boucs émissaires pour dévier la colère qui risquerait de se diriger contre elle. Le racisme, le masculinisme, la transphobie augmentent actuellement. La tôle n'est pas un endroit en dehors du monde. C'est aussi un endroit où s'y confrontent où on s'y confronte et où on cherche des solidarités. Mais depuis une position transfemme, ça impacte cette projection, avec la transphobie et l'homophobie diffuses et la perspective d'être mise à l'isolement par l'administration pénitentiaire. Alors, mieux comprendre comment ça se passe peut aider à mieux s'y préparer et se donner de la forme... Se donner de la force, mais aussi de la forme, hein. Se donner de la force pour être en lutte avant comme pendant. Et que des personnes qui sont dehors puissent capter un peu mieux cette réalité. Et donc, on peut contacter, on peut participer à cet appel à contribution en contactant l'adresse transperslatôle@riseup.net. Merci pour cette lecture. On va maintenant écouter Dudu et Rock, la chanson Flou, ou Rock et Dudu, je ne sais pas, moi c'est écrit Dudu et Rock, mais je ne sais pas. Thank you. j'ai la dalle, j'ai crampe au béton, y'a tout qui me fout la bosse. Je danse cette russe comme Pax, on veut, j'ai pas l'insulte, j'ai plus les moches. La vie mauvaise nouvelle, y'a plus de sève, y'a trop de sel, y'a full sem chez les parias. Souviens-toi qui manque à l'appel. C'est qu'à enquête comme galé, bug dans leur craft de merde, vole comme si tout était gratuit, attendre au boom comme creeper. Y'a ce trémon dans la brume, c'est ton fa dans la crime, on sacrifie phare sous le bitume. Fais vite pour trouver les potos, je vois un flou. Ça drift seul dans vos salles, si je transpire, ne sais pour toi, je sais que le béton reste à main, je vois un flou. Et à cap, c'est le point de fuite, je vois un flou. Pas de perspective dans l'anthracite, non, non. À cap, c'est le point de fuite, yeah, yeah. Cherche la sortie dans l'anthracite. Et je vois un flou, je suis pas sorti de chez moi. Y'a que les démons dans le noir. Viens foutre le feu tout part, comme nous deux sous les draps. Je suis pas sorti de chez moi, je vois les démons qui nous séparent. Encore des parasites dans la voix. J'ai faim comme 4 piscines de piranha. Zéro disciple d'ami, 4 mains sur un piano. Tout, tout, tout, tout. C'est pour celles, ceux qui viennent tout casser. 5 du mois déjà le compte à sec. Mais tu crois quoi, on peut les pots casser? Mais tu crois quoi, on peut les pots casser? Bah ouais. Qui dit flic dit danger. 3h du matin, je vais manger. Téléphone vibre et je rouge. J'ai survêté taché de soja. Et tourne comme si c'était des quintes. Collé au carreau comme si c'était des peintes. Y'a que de la sauce dans le pain. Ils sont aux œufs comme je mets sous plainte. Ouais. Reste par terre. On a chip pour du papier. Laisse pas faire. Y'a plus de bus, on fait tout à pied. Si tu me trouves rincé, on est deux. Ouais. J'compte gens que j'aime sur les doigts. J'ai le seum, j'me lève pour les E. Et quand je m'endors, je pense à toi. Et je vois flou. J'suis pas sorti de chez moi. Y'a que les démons dans le noir. Viens foutre le feu tout part. Comme nous deux sous les draps. J'suis pas sorti de chez moi. Je vois les démons qui nous séparent. Encore des parasites dans la voix. Encore des parasites dans la loi. J'suis pas sorti de chez moi. Viens foutre le feu tout part. J'suis pas sorti de chez moi. Je vois les démons qui nous séparent. Encore des parasites dans la voix. Encore des parasites dans la loi. Et je vois flou. J'suis pas sorti de chez moi. Y'a que les démons dans le noir. Viens foutre le feu tout part. Comme nous deux sous les draps. J'suis pas sorti de chez moi. Je vois les démons qui nous séparent. Encore des parasites dans la voix. Encore des parasites dans la loi. Alors, vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On est en direct jusqu'à... dans pas longtemps, parce qu'après, on va vous mettre un enregistrement. Donc, on rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur carapatage.noblogs.org, que vous nous écoutez là en direct sur 89.4 FM Radio Libertaire, et qu'on a aussi un Instagram, @carapatage. Donc, ce soir, cette émission, alors que voilà, on en a parlé dans l'intro, les prisons pour narcotrafiquants viennent d'ouvrir, qu'il y a eu déjà des révoltes dans ces prisons qu'on a évoquées. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a eu des révoltes et des luttes à l'intérieur, malgré l'isolement qui leur était promis. On sait aussi que c'est une question de survie, alors que ces prisons sont clairement faites dans le but d'annihiler les personnes à l'intérieur. Et c'est en préparant l'émission 89, sur les luttes en prison dans les années 80, qu'on avait fait suite aux attaques contre les tôles et les revendications de DPF, en lien avec l'ouverture de ces prisons, qu'on a trouvé des infos sur la révolte à la prison de Saint-Maur en 87. Et donc, on s'est dit que ça aurait pu être chouette de faire une émission là-dessus. Pour remettre un peu le contexte, en 75, c'est le début des QHS, qui, à l'origine, étaient des prisons, enfin, un peu les parents des prisons de haute sécurité, enfin, qui étaient des sections dans la prison, qui n'étaient pas cantonnées à une seule prison, et qui était à l'origine pour certaines catégories de prisonniers, et qui s'étend à tous les prisonniers susceptibles de violence. Après, on passe à 81, fin des QHS sont remplacés par les quartiers d'isolement. Donc en fait, on remplace quelque chose par quelque chose d'à peu près la même chose, mais qui n'a pas le même nom. À cette époque, il y a plein de belles promesses de la gauche, mais surtout aussi de nombreux mouvements à l'intérieur pour obtenir les miettes de ces annonces. À partir de 85, il y a pas mal de mouvements soutenus et aussi amplifiés depuis l'extérieur. Et à l'été 87, pas mal de grands mouvements collectifs dans le contexte de la mise en place de nouvelles périodes de sûreté qui diminue les espoirs de sortie pour les longues peines. Je vous lis vite fait un petit aperçu de ce qui a pu se passer à l'été 87. 13 juillet 87, un mouvement de refus de remonter en promenade est suivi par 180 détenus et 209 détenus, de la maison d'arrêt pour femmes. Le lendemain, 18 femmes sont transférées à Rennes. Aussi, 200 détenus de cette même prison pour femmes prennent la décision de refuser de remonter en promenade. Les CRS interviennent. Pendant ce temps-là, la maison d'arrêt des hommes, 800 prisonniers restent dans la cour, déploient des banderoles dénonçant la mort lente, brûlent la chaufferie, les matelas et saccagent l'infirmerie pendant l'intervention des gendarmes mobiles, des CRS et du GIGN. Et le lendemain, 130 détenus du centre de jeunes détenus forcent une porte et paradent sur le chemin de ronde pendant une heure. Le 16 juillet, dans la foulée, au Baumettes, 100 détenus du centre pénitentiaire montent sur les toits pendant 4 heures, brûlent un atelier et détruisent un bâtiment. Le lendemain, toute la prison se mobilise contre les sanctions, réclame des parloirs sexuels, qui sont des parloirs intimes, comme des UVF, unités de vie familiale, et davantage de douches. Et le même jour, à Fleury toujours, 300 détenus refusent de gagner leur cellule, incendient un fourgon, tandis que 30 détenus parviennent à atteindre le toit. 19 juillet, à la maison d'arrêt de Colmar, suite à la mort suspecte d'un détenu, 40 détenus refusent de remonter dans les cellules, allument des sens indis et cassent autant de matériel qu'il leur est possible de trouver. 13 août, au Baumettes, des clés sont dérobées, des cellules saccagées, avant que n'interviennent les forces de l'ordre, avec qui il va y avoir des affrontements. Et le 12 novembre, c'est la mutinerie à Saint-Maur, qui va presque concerner la totalité des personnes enfermées, qui a duré 36 heures, et où presque tout a été cassé et incendié. Il y a ensuite 50 détenus qui resteront quand même sur place, une fois la prison évacuée, entre guillemets, qui seront nourris pendant 20 jours par des rations de l'armée. Après leur reddition, entre guillemets, pendant les négociations, ça avait dit qu'il n'y aurait pas de poursuite. Il y a quand même 14 personnes qui vont passer en 1990 en procès, 6 relaxées et 7 condamnées à des peines de 10 mois et une pour 8 mois et une de 8 mois pour séquestration. Au premier procès, il y a un appel d'autres prisonniers de la centrale de la prison de Lannemezan et de la centrale de Moulins à faire une journée prison morte en solidarité avec les personnes qui passent en procès, c'est-à-dire refus de plateau par exemple, etc. Et donc on va lire un bout d'un texte anonyme paru dans le livre Il y a du baston dans la tôle, qui est paru aux éditions L'Insomniac, qui raconte la révolte de Saint-Maur. On va lire le début et la fin, mais bon, je vous conseille de tout lire, c'est quand même vraiment trop chouette et intéressant. Et ensuite, après on vous passera un enregistrement, mais on vous en reparlera après. Alors, centrale de Saint-Maur, 1987. Deux murs séparés d'une centaine de mètres. Des miradors partout, des grilles plein les couloirs, le poids de la justice mesuré en ferraille et en béton qui vous écrase l'espoir. L'espoir indispensable, comme un rêve de liberté, évasion ou libération. Pour l'évasion, dur. Et ces derniers temps, la libération devenait un sujet de plaisanterie. Remise de peine, liberté conditionnelle. Ces mirages qui vous aident à continuer le chemin s'effaçaient. On a pris perpète, 20 ans, 15 ans, mais on n'y croit pas. On s'accroche au moindre mensonge pour ne pas mourir. Il nous faut une chimère en laquelle espérer. Les chefs fonctionnaires raisonnaient autrement. Ils nous autorisaient un semblant de confort, télé, sport et bronzage, des prisons douillettes, où l'on nous garderait le plus longtemps possible. Pas question de liberté. À défaut de peine ou mort, on s'arrangerait pour nous laisser crever en tôle. Ils s'imaginaient que des conditions de vie agréables nous permettraient d'accepter. Ça nous rendait nerveux. Même les détenus modèles ronchonnaient sévère. La révolte rôdait, rouge et fumante. La direction s'en tapait, le ministère y tout. Depuis une semaine, des symptômes apparaissaient, précurseurs d'agitation. D'abord, un mécontent perché 24 heures sur la façade du bâtiment A. Flics et pompiers pour le déloger. Deux jours plus tard, tentative d'évasion au bâtiment C. Un sueur de barreau. Ensuite, la benne à ordures de 14h17. Ce jour-là, j'essayais de faire une sieste, dérangée par le bruit d'un camion qui manœuvrait. Partout, les gonflots, ils veulent me laisser dormir, ce con. J'étends un œil par la fenêtre, je vis la benne à ordures. Celle qui avalait quotidiennement les poubelles de l'établissement. Trois tôlards venaient d'éjecter le chauffeur de prendre sa place. Ils fonçaient en marche arrière sur une grande porte métallique qui donnait entre les deux murs, l'envoyant valser à 10 mètres. Le camion fila vers la sortie. on entendit le fracas de la porte d'entrée défoncée à son tour, accompagnée d'une fusillade. Avait-il réussi ? À 15h, la radio locale annonçait 3 évasions. Les cellules criaient de joie. Le mythe de la super prison venait de disparaître, emporté dans la benne avec les ordures. À sa mort, il y a 3 bâtiments. A, B, C. 3 étages par bâtiment. Chaque étage est divisé en 2 unités, comprenant 25 à 30 cellules, un type par cellule. Je résidais au 3e étage du C, unité C31, l'étage des Corses. Il comprenait en effet un bon tiers de Corses, dont 2 ou 3 membres du FLNC. On avait aussi un Palestinien pro-iranien. Ça donnait un genre d'ambiance politisée. Jeudi 12 novembre 1987, midi, cours de promenade. Un taulard, roi des singes, est monté dans un arbre et refuse de regagner sa cage, va savoir pourquoi. Les shérifs bleus tournent autour du tronc. Les têtes aux fenêtres sont éclatées de rire. Un tronçonneur fou accourt, grand castrateur de phallus feuillu. Vous descendez ? Non. Vroom, vroom. La survole, l'arbre pleure. L'arbre s'écoule. Son locataire saute in extremis. Aussitôt chopé, rudoyé, il résiste. Enfoiré, lâchez-moi ! Les geôliers le traînent dans le bâtiment, sous les hurlements du public. Par les mannes de Mérine. Quelle arrogance ! On monte dans un arbre, il le coupe. Si quelqu'un grimpe sur le toit, plastriqueront-ils le bâtiment, occupant compris ? Jusqu'où fermerons-nous nos gueules ? Même jour, 15h, quartier socioculturel. Endroit où se trouvent les activités. Salle de classe, d'informatique, la bibliothèque, etc. À côté, la salle de culturisme. Du monde, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Ça discute à voix basse, l'œil furieux. Des regards assassins suivent les surveillants. J'y rencontre 2 copains. « Salut, dis-je. Vous avez vu l'arbre ?»« Attends, eux aussi vont voir. » On va leur couper les couilles. Autour, même ambiance, révolution dans l'air. Au matin du 14 juillet 1789, les sans-culottes avaient-ils le même aspect ? À 16h, rien ne changeait. Des comploteurs complotent, rassassent les derniers événements, les remises de peine fantômes, l'enculerie chronique de l'administration. 2 factions se dessinent. L'une veut parlementer, écrire au ministère, avertir, mais des paquets de lettres sont déjà partis en pure perte, foutus au panier. La seconde tendance prône la violence immédiate. Un copain me prend à part, conspirateur en diable. Tu redescends à 17h ? Pourquoi ? Faut descendre ? Il réfléchit. Et puis non, pas la peine, de toute façon, on va ouvrir les portes de tout le monde. Quelque chose de sérieux se prépare. À l'étage, un pote nommé Aldo m'attend en salle d'activité. Dans les unités, les salles d'activité sont des cellules vides, avec une table, quelques chaises et un réchaud électrique où on peut se réunir pour prendre le café et manger ensemble. Je lui explique la tournure des événements. On wait and see la suite. Ça éclate juste après 17h à la salle de culturisme. Les barres en haltères se transforment en armes. En avant pour le grand saccage. En 2 minutes, le coin est dévasté, vitres éclatées, appareils de musculation pliés en 12. Les surveillants coincés donnent les clés. 2 profs, un d'anglais de sciences nat, le pasteur, tous ceux qui traînent par là deviennent des otages. Non loin, le directeur donne ses audiences. Quel est ce vacarme ? Il s'amène à grands pas, buste bombé, sourcils froncés, à regard amaté la chiourme. Quelques mois plus tôt, un mouvement de protestation s'était produit. Les mécontents avaient gueulé, refusé de retourner en cellule. Le directeur s'était déplacé, avait lâché 3 promesses, de quoi satisfaire les trublions. Dès le lendemain, transfert disciplinaire, les meneurs baluchonnaient vers d'autres tôles. Pensait-il récidiver ? Son apparition crée la surprise. Gonflé le mec. Mais l'étonnement se dissipe. Les mutins remercient le ciel et l'inconscience pour cet otage de choix. Il émerge de son délire, réalise le danger, détale, trop tard. Quelqu'un lui bloque la retraite, barre de fer à l'appui. Les émeutiers envahissent le bâtiment C, cassent tout, prennent les clés, capturent les surveillants. Ceux des bâtiments A et B se débinent juste à temps. Depuis notre salle d'activité, on ne voit rien de tout ça. Mais on entend fracas et cris barbares. Au loin, par-delà les murs d'enceinte, une nuée de gyrophares bleus nous fonce dessus. L'alerte est donnée. La porte de la salle d'activité s'ouvre. Dans le couloir, un détenu déverrouille les cellules. Arrive le directeur, une dizaine de surveillants, les 2 profs, le pasteur, solidement escortés. Les voilà bouclés dans une salle d'activité. « Ici, vous êtes en sécurité », leur dit quelqu'un. Effectivement, vu l'humeur mutine, mieux vaut qu'ils évitent de se balader. L'un des Corses amène le directeur près du téléphone intérieur de l'unité, placé dans le couloir. « Regardez si ça marche. » « Ça marche. » « Appelez le greffe. »« Allô ? C'est le directeur. » Oui, nous sommes pris en otage. Je ne sais pas. Crispé, mais la voix calme. Donnez-moi l'appareil, dit le Corse. Allô, nous voulons qu'une équipe de FR3 entre dans la prison pour lui exposer nos revendications. Quoi ? Oui, nous assurons la protection des otages. Nous voulons... Dialogue de sourds. L'un parle de revendications, l'autre des otages. Qui vous êtes, s'énerve le Corse ? Vous êtes habilité à négocier ? Non, j'écoute pas. Allez chercher quelqu'un qui a autorité pour négocier. Nous vous rappellerons. Clac. Raccroché. Les otages sont répartis dans différentes cellules du C31. Le directeur seul dans l'une, deux gardes armés devant la porte. On relâche le pasteur, avec mission de faire passer les revendications. Il s'en acquittera, parlera aux forces de l'ordre, dans les micros, dans les journaux. Son syndrome de Stockholm, malvenu, lui vaudra d'être classé indésirable à la centrale. Toutes les cellules ouvertes, les taulards en vadrouille, le sac de la prison devient sérieux. La buanderie crame, les cuisines et le magasin sont pillés. Les portes qui coupent les étages en deux éclatent sous les coups des barres de fer. Toutes ces portes défoncées, et quel pied d'enfer ! Elles nous emmerdaient depuis tant d'années. La liberté, c'est d'abord de pouvoir se déplacer selon son désir. On en récupérait un peu, et ce peu nous paraissait beaucoup. Les émeutiers démolissent, une vraie rage. Les installations électriques y passent aussi. Plus moyen d'entendre la radio. Heureusement, j'ai des piles sur mon poste. Je me branche sur la station du coin dans l'attente des nouvelles. Les pensionnaires du cachot viennent d'être libérés. Ils arrivent sous les ovations, en quasi-héros. L'homme de l'arbre, celui de la façade, le coupeur de barreaux et d'autres mauvais sujets. À 18h, pour les infos, une quinzaine de mecs s'empilent dans ma cellule. Les journalistes parlent de l'émeute, de façon assez vague. Ils rappellent qu'à Saint-Maur se trouve détenu Georges Ibrahim Abdallah, supposé terroriste libanais et condamné à perpète comme tel. D'autres détails dans notre prochaine édition. La nuit tombe. Au C31 passent de nombreux visiteurs pour s'informer des négociations, jeter un coup d'œil aux otages. Certains les insultent, en particulier le directeur, mais les prisonniers qui les gardent interviennent. Parmi les négociateurs et protecteurs des otages, on distingue deux groupes. L'un à majorité corse et méridionale, principalement les pensionnaires du C31, l'autre, plus composite, avec des détenus de différentes unités. Dans le premier, les membres du FLNC ont la conscience politique contagieuse. Pour une bonne organisation, c'est utile. Les seconds semblent moins aptes à résoudre les futurs problèmes. En attendant la suite, avec Aldo et un copain nommé Louis, on décide d'aller se dégourdir les jambes sur le terrain de foot. On enfile quelques pulls. La nuit s'annonce frisquette. Pour les émeutes, mieux vaut l'été. Dans les escaliers, une vraie procession de fourmis. Des pillards, les bras chargés de cartons, le butin du magasin. Ils se constituent des stocks en cellules. Pas terrible, la conscience révolutionnaire. Sur le terrain de foot, des non-violents prennent le frais. Partout ailleurs, ça démolit. Au mutin de la première heure s'ajoute maintenant la presque totalité des détenus. C'est le grand règlement de compte avec la prison. Tout y passe, même et surtout des objets de ce fameux confort qui prétend se substituer à la liberté. Reprenez vos gadgets, laissez-nous sortir. Merci pour cette lecture. Voilà, c'est un petit aperçu, c'est le tout début du texte. Après, ça raconte les différentes activités, les différentes ambiances, les négociations, et jusqu'à la fin, le rapport avec les flics, etc. En tout cas, c'est une révolte qui a eu pas mal de retentissements, où ils ont réussi à quand même faire sortir, enfin visibiliser en tout cas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et du coup, avant d'écouter une autre version de cette révolte, on va écouter un petit peu de musique, on va écouter The Clash, Bank Robber. We'll be right back. On est de retour dans Carapatage. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire. On a une adresse postale. Ça arrive qu'on reçoive des courriers. Au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris et à carapatage@riseup.net. Donc maintenant, on va écouter à suivre un témoignage de Yves, qui est un des personnages du texte dont on vient de vous lire un extrait. Mais qui n'est a priori pas auteur du texte. Non, qui n'est pas auteur du texte, c'est sûr même. Parce qu'il parle de ce Yves qui est négociateur, prisonnier. Donc c'est un prisonnier corse qui a été en prison à la fin des années 60 et ensuite de 1980 à 1993. Cet enregistrement a été fait pour un événement contre la prison et en particulier les mesures d'isolement alors que Darmanin annonçait ses futures prisons maintenant présentes. Et lui, pour cette révolte à sa mort, il sera condamné à 15 mois, alors qu'il avait un dossier en attente pour une libération conditionnelle, qu'il n'a pas eu par la suite ou pas tout de suite, puisque du coup il est sorti en 93. Et Pierre, dont il parle dans l'enregistrement, sera lui relaxé. Donc dans cet enregistrement, il raconte aussi l'isolement, les QHS, les QI, et dans une deuxième partie, la révolte à la prison de Saint-Maur. Donc on le remercie aussi pour cet enregistrement. Et on va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouvera dans un mois. Non, on se retrouve dans deux semaines, d'abord par une rediff, et dans un mois pour une émission surprise. Et on vous souhaite une bonne écoute, et à la prochaine. Salut. De tes moments d'incarcération et puis des longs moments d'isolement, QHS, quartier d'isolement, etc. Toi, tes premières incarcérations, donc c'est aux alentours des années 68-69. 69. Et puis après, tu vas faire une longue période d'incarcération de 80 à 93. 13. Pour replacer avec l'histoire des QHS, des quartiers d'isolement, les QHS ont été créés donc sous Giscard en 75 et puis jusqu'à 82 où Badinter supprime les QHS, création des quartiers d'isolement. Donc voilà, qui change pas grand-chose, on change de nom, on en reparlera. Et tu disais notamment par exemple que même après 82, tu vois, ça a continué, 83, etc. La suppression réelle des QHS en tant que telle, voilà, n'a pas été véritablement supprimée. Est-ce que toi, donc, tu arrives, ton expérience d'isolement en QHS démarre au Baumettes en 80. Tu peux raconter un peu les caractéristiques aussi de ces QHS, de ces quartiers dits quartiers haute sécurité. Alors, dans ces quartiers de haute sécurité, donc le fait est que tu avais par exemple le Baflan en béton qui était bon du béton. Tu avais la table qui était en béton et qui était fixée. Ça restait du béton. Tu n'avais pas droit à tes affaires. On te mettait en groguet. Tu n'avais pas droit à tes affaires personnelles, contrairement aux détenus qui sont prévenus en bâtiment. Donc, à partir du moment où tu étais en groguet, et tu avais tes affaires personnelles, y compris les cantines, ce que tu pouvais cantiner, dans un placard à l'extérieur du QHS. Donc, si tu peux faire chaque fois que tu voulais, je sais pas moi, si tu voulais boire un ricoré, si tu voulais prendre un truc que tu avais acheté, il fallait appeler le surveillant et pour se faire ouvrir la porte, pour lui demander ce que tu voulais, et qu'il te donnait ça au compte-gouttes. Alors tu prends, évidemment, il se faisait un malin plaisir à ne pas entendre si tu l'appelais, et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, d'emblée, ayant très vite compris ce système-là, je me suis privé de tout. Pour ne pas, parce que c'était... pour moi, je pratiquais le principe du refus, de me soumettre, de baisser la tête, y compris devant les surveillants. C'est pour ça que quand on dit les surveillants, gentils, les pas gentils, les surveillants, aujourd'hui, ils se leur mettent des cagoules, c'est pas pour rien. Au Baumettes, tu t'es révolté aussi, tout en étant en QHS? Oui, tout en étant en QHS. parce que chaque fois que j'ai faussé compagnie, parce qu'on vient, quand on vient te chercher pour quelques mouvements que ce soit, que tu dois faire, que ce soit psychiatrique, psychologue, tout ce que tu veux, ou avocat, on vient te chercher, il y a un brigadier et deux gardiens qui viennent te chercher. Et quand on te fait traverser les coursives pour t'amener à l'endroit où on doit t'amener, on fait rentrer les gens, c'est-à-dire tu ne dois voir personne en gros. Voilà, tu ne dois voir personne. Donc, moi j'ai réussi à leur fausser compagnie plus d'une fois. Parce que t'es pas, là, tu n'es pas enchaîné, tu vois, t'es pas, ils t'amènent comme ça. Bon, après, ils hésitaient à me mettre les chaînes aux pieds. Hein. Mais chaque fois que je leur ai fait cette compagnie, je leur ai fait cette compagnie d'une rapidité. Bon, je faisais plein de sports au QHS, j'avais que ça. Hein. Donc, j'étais comme ça, j'étais en pleine forme, on va dire, au moins au niveau physique, je me maintenais. Et donc, chaque fois que je leur faisais compagnie, ça aboutissait à une révolte. C'est-à-dire qu'un coup, je montais par les gouttières du QHS, je me suis retrouvé sur les toits des QHS. Une autre fois, à l'avocat, je suis monté sur les toits parce que j'avais observé qu'il y avait une lucarne où c'est que... donc, j'avais poussé la table à l'avocat, il était mort de peur, le pauvre. Bon, et j'avais dit, non, mais toi... Et donc, j'étais monté par la lucarne, j'avais accédé au toit. Une autre fois... Je l'avais faussé à compagnie à la hauteur du bâtiment A. Bon, ben, il faut savoir qu'il y avait le bâtiment B et le bâtiment A au bon maître. Et puis ensuite, le greffe, les avocats, tout ça. Bon, donc, à la hauteur du bâtiment A, je l'avais faussé compagnie. Là, j'ai grimpé, parce qu'il y a quatre étages. Hein. Il y a quatre étages. Là, j'ai grimpé à l'extérieur. J'ai grimpé entre les gouttières. Et les lampadaires, bon, après, il y a des gens qui m'envoyaient des draps de leur cellule. Je m'accrochais au drap, je continuais à grimper avec le drap. Bon, je suis monté sur les toits. Après, j'ai réussi à interpeller les gens qui étaient dans des cours pour qu'ils montent, qu'ils m'ont rejoint. Et après, ben, je transigeais avec le procureur, la reddition. Alors, chaque fois, je lui disais, je le fais au nom de mes camarades qui m'ont désigné comme porte-parole. Bon, d'où l'anecdote où les procureurs, les machins, me disaient, ouais, mais enfin, vous, on vous choisit toujours comme porte-parole. Sur les 5 ans à peu près que tu as fait QHS, isolement, etc., puis c'est ce que tu disais, à peu près un an de cachot à chaque fois. Chaque fois, chaque fois que je faisais compagnie, bon, ben, tu comparais au prétoire, qui est le jugement interne, et quand je comparais sur au prétoire, ben, c'était 45 jours de cachot, ouais. Et puis 46 jours de cachot, attention, c'est pour ça que là encore, je reviens sur ceux qui disent les gentils matons, pas les gentils matons, non, mais lui il est bien. Moi, ils m'ont pris à coups de lance à incendie, à poil, au fond du cachot, comme ils font aux États-Unis. Hein. Il faut pas rêver. Hein. Le matin. Parce que je me rebellais. Non, parce que je me rebellais. C'est certain. Mais bon. L'idée en QHS, c'est de faire rencontrer personne. Tu dois absolument rencontrer personne. Tu es dans le bâtiment, c'est ça. Ouais. Donc ça fonctionne. Et personne en cours. C'est-à-dire que tu sors seul en cours de promenade. Tu as droit à une demi-heure de promenade le matin, une demi-heure l'après-midi, mais tu sors seul. Tu disais aussi, pour te couper les cheveux aussi, il y a le côté... Ils veulent à tout prix te raser la tête. Voilà, ils veulent à tout prix que les gens aient les cheveux très très très courts sur la tête, et puis surtout qu'ils soient toujours imberbes. Bon, moi, dès 80, dès mon arrestation, par opposition... Moi, j'ai gardé les cheveux longs et j'ai gardé la barbe. Après, par opposition, je vais te donner un autre exemple. Bon, ça, c'était quand tu comparaissais en tribunal ou n'importe quoi. Le treillis est interdit. Moi, j'avais fait rentrer un treillis. Et je mettais le treillis. J'arrivais dans le box en treillis. Je leur disais au revoir, messieurs. Je ne vous reconnais pas. Enfin, je ne leur disais pas que c'était même pas de cette façon. Des fois, j'étais très insultant. Moi, un jour, j'avais dit au président, mais dites-moi, d'après l'âge que vous avez, vous avez dû juger les résistants pendant la guerre. Alors, évidemment, C'est des choses qui ne leur plaisent pas. Un jour, un procureur, il parlait, tatata. Bon, ça, c'est avant que je quitte la boxe, quoi. Alors, j'ai dit, mais Magné, tu... Oh, monsieur le président, il emploie le tutoiement. Citoyen Magné, sache que depuis la Révolution française, 1789, je leur faisais un cours d'histoire. Ils étaient malades. Ils ne pouvaient rien dire. J'ai dit, citoyen Magné. Et après, je tire ma révérence parce que moi, je ne vous reconnais pas. J'ai dit, je suis venu, je suis rentré dans le box par respect du jury populaire. Mais aujourd'hui, je dis au revoir parce que vous, les magistrats, je ne vous reconnais pas. Les parloirs aussi, c'est particulier aussi, quand tu es en QHS aussi. Oui et non, dans le sens où ben, c'était particulier à l'époque. À l'époque, il y avait des vitres, hein, il y avait tout ça. Bon, donc, si tu préfères, tu parlais à travers la vitre, à travers l'hygiophone. Bon. Non, là, il te laissait... Bon, après, bon, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que sinon, il te coupe tout, hein. Il te prive de parloir et tout. Il y a eu des révoltes, d'ailleurs, sur les parloirs aussi. Alors, les révoltes pour les passants, moi, ça aussi, c'est moi qui les ai menés au Beaumettre pour faire supprimer les hygiophones. Parce que, comme les QHS, la gente matonesque a beaucoup de difficultés à admettre qu'une loi est passée. Donc, il gagne encore du temps. Et moi, je me suis battu, là aussi, pour... j'ai dit non. Oui. La loi est passée, vous devez supprimer les hygiophones. Ils avaient trouvé l'option, les matons, de garder le muret, parce que l'hygiophone repose sur un muret. Donc de garder le muret qui crée une séparation avec ton visiteur. Ah oui, non mais attendez, on n'a pas ci, on n'a pas là. Bon, après je me suis battu pour que je casse les murets, pour avoir un vis-à-vis normal avec les visiteurs. Si tu préfères... Toute entrave à la liberté, à un droit d'expression, je me révoltais. Je te donne un exemple, en 84, donc j'étais en QHS, il y a les premières élections régionales en Corse. Là, je me suis battu parce qu'ils ne voulaient pas que je vote. Je dis, je regrette. J'étais en tant que prévenu, on a le droit de vote. On n'est pas jugé, on n'est pas condamné. Donc on a le droit de vote. Donc là, j'avais fait voter et j'avais nommé mon avocat comme représentant pour porter mon bulletin de vote. Donc l'avocat, il est venu, bon, pas que moi, c'est-à-dire mes deux co-inculpés aussi, il est venu les récupérer nos trucs. On a eu droit à la carte électorale. Bon, il avait là, hein. Inutile de te dire qu'il avait là, hein. Parce que tu es obligé, l'administration pénitentiaire, l'administration judiciaire, à exiger, à avoir ton droit de vote, et tu penses bien qu'ils n'étaient pas contents. Hein. T'as été, J'utilisais tout ce que je pouvais au niveau des lois existantes et au niveau aussi des lois internationales. Parce que des fois, je disais, oui, mais ça, c'est reconnu national, mais internationalement, non. Donc, j'ai beaucoup... Bon, tu me diras, j'avais préparé à l'époque, j'avais préparé une... Comment dirais-je ? Bon, j'étais monté que jusqu'à... C'est pas un examen, c'est... Bon. Un droit. Une capacité de droit, tu vois. Oui. Bon, après, j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté, si tu préfères, au niveau des études, mais j'ai continué à étudier le droit. Que ce soit les codes pénales, les codes internationales, que ce soit... Tu as été dans des collectifs, tu as de lutte, tu as été à la SPF, c'était l'association... Alors la SPF, ça avait été monté... Ça voulait dire Association syndicale des prisonniers... Association syndicale des prisonniers de France. Ça avait été monté par Jacques Gambier, qui avait été incarcéré, qui avait un gros soutien de la Fédération anarchiste, d'avocats de Fédération anarchiste, de chanteurs... Bon, moi, je suis rentré, donc évidemment, j'avais contacté Jacques Gambier, j'ai été nommé vice-président, et j'ai commencé à alimenter en prison, au Beaumettre, par courrier, par massy, par là, une section. Ils ne pouvaient rien faire. Et le but, ça a été la première action qui a été faite de la SPF, ça a été, nous sommes une association syndicale, vous ne pouvez pas refuser à un membre syndical d'assister à une assemblée générale. Et on avait organisé à l'époque l'assemblée générale à la rue des Vignoles, ici à Paris. Et donc on disait, il faut à tout prix que chaque militant associatif puisse se rendre à l'Assemblée Générale. Ça avait posé un drôle de problème de droit. Parce que, alors il disait, oui, mais on peut pas, non, mais même si vous m'accompagnez, même si vous m'attachez, vous m'accompagnez, imagine-toi, il faut, bon, ils n'avaient pas accédé, hein, ils n'avaient pas accédé, mais bon, on leur avait planté des trucs comme ça, de loi, mais des trucs fabuleux, quoi. Ils étaient malades, malades, malades. Et ils ne pouvaient rien dire, et les avocats relayaient dehors, donc, bon, et à partir de là, a commencé aussi à s'établir les relais, hein, à l'extérieur. Bon, à partir de là, nous sommes restés bien sûr en contact avec des anarchistes, tout ça. Et après, bon, ben, dans la suite des combats personnels que j'ai menés, moi, j'ai tous ces réseaux ont fonctionné, quoi. Voilà. Donc, il y a eu réseaux. Après, il y a eu réseaux qui se sont un peu plus durcis, parce que bon, des fois, je disais, oui, ben, vous êtes bien gentil, mais bon. C'est ce que tu as toujours dit. Tu as toujours dit que tu pouvais jamais dire faites comme moi, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du soutien, tu vois, où tu crées des collectifs, des organisations, etc., où tu n'es pas seul. Tu peux pas demander aux citoyens lambda de faire comme toi, sous le prétexte de dire bon, écoute, moi je me bats, tu n'as qu'à faire pareil. Le gars. Qui n'est pas assisté, le gars qui n'a pas de famille, le gars qui n'a pas de contact, qui n'a pas de machin, tu peux pas. Ou alors c'est toi qui deviens dictateur, là. Moi, je regrette. Quand les QHS donc ont été supprimés, enfin le nom QHS a été supprimé, il y a eu les quartiers d'isolement. Oui. T'as vu une différence? Non, ils ont scié les trucs de la table, mais bon. C'est tout, le truc du parloir. Et puis tu as eu accès à tes affaires, tu as eu accès à ta cantine, tu l'avais dans ta cellule, voilà. Oui, tu pouvais avoir tes affaires, c'était la seule différence. Au lieu d'appeler le matin, au lieu de, tu vois, donc ben, à partir de là, j'ai cantiné. C'est pour ça que, comme on a eu accès à nos propres affaires, c'est pour ça qu'après j'ai fait rentrer les triés, malgré leur interdiction. Ils voulaient pas que les gens, même les couleurs, quelque chose qui était kaki, ils le voulaient pas. Et moi, par opposition, bon, je faisais tout l'inverse. Il y a eu des mouvements importants de lutte contre les QHS aussi à l'extérieur. Oui. Toi, tu avais écho de. Donc, Knobel Peace, évidemment, avec son livre QHS. Oui, mais il était encore dedans. Hein, oui, il était encore. Ouais. Et. Il avait écrit Voleur de poules aussi. Oui, c'est ça, c'est un de ses livres. Si, il écrit aussi un livre où il raconte ça aussi, Voleur de poules. Parce qu'au début, quand il a arrêté, bon. C'était un petit. Là, on revient encore au phénomène social. Bon, il n'y a pas de fatalité. Ouais, il y avait la préface de Foucault dans le bouquin de Knobel Peace, tu vois, qui raconte que depuis le 19e siècle, tu vois, il y a toujours eu cette volonté de faire deux groupes de prisonniers, comme tu as les pauvres types d'un côté, et puis de l'autre, tu vois, les dangereux. Les méchants. Voilà, les méchants. Les bons, les méchants. Ceux qui résistent, et donc ça permet aussi, on les met en QHS, donc parce que tu es dangereux, considéré comme dangereux, mais aussi ça explique, on va jamais te sortir parce que tu seras dangereux aussi vis-à-vis de la société, tu seras dangereux dehors, donc tu as cette étiquette de dangereux, à l'intérieur, c'est indéfini, quoi, tu vois, c'est un enfermement. Non, et puis en plus, bon, c'est une vaste fumisterie, parce que si tu es dangereux et que tu finis ta peine, donc on lâche un dangereux. Non, ça c'est un phénomène, ils criminalisent les gens. Bon, je dis pas qu'au passage, il n'y a pas des fous furieux, hein. Ça existe aussi, hein. Comme dans toute société, comme dans tout groupe humain. Quand tu refuses d'une façon sociale ou d'une façon politique, bon, l'un rejoint l'autre, hein, de toute façon, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Donc, on te criminalise. C'est une fumisterie. Et puis il y a les séquelles que ça entraîne, tu vois, un enfermement dans l'enfermement en plus, tu vois. Tu as des poussées d'adrénaline que, évidemment, tu peux très bien ne plus avoir dehors. Bon, moi, si tu préfères, à travers toutes ces révoltes, et puis à travers, y compris ma libération, j'ai toujours veillé, mais comme je le dis, parce que j'étais encadré, parce que j'ai pu le faire, j'ai toujours veillé à ne pas sortir bourré de haine, parce que c'est pas bon. Si tu sors en bête furieuse, c'est pas bon. C'est pas bon. Demain, tu vas t'accrocher avec quelqu'un, tu vas le tuer alors. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as plus de notion de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ou, l'autre alternative, c'est de sortir complètement à plat ventre. Bon, moi, je me suis toujours arrangé pour. J'ai veillé à ne pas sortir fou furieux et à ne pas sortir à plat ventre. Mais, ceci dit, tu laisses quand même des plumes. Parce que tu ne mènes pas des combats, même en étant soutenu comme je l'étais, tu ne mènes pas des combats indéfiniment comme ça, sans laisser de plumes, ce n'est pas vrai. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti, beaucoup de gens me disaient « Ah, tu es bien, hein, tu es bien. » Oui, j'étais bien physiquement, moralement, intellectuellement, j'apparaissais bien. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, que j'étais dehors, je me suis rendu compte que je venais de passer ces 2, 3 dernières années, c'est-à-dire suite à ma libération, et que je commettais pas de choses, mais que j'étais pas tranquille, quoi. Je me suis rendu compte que... Et là, je me suis rendu compte qu'on a laissé des plumes. Et puis encore aujourd'hui, bon, ça avait, même avec le temps passé... par exemple, côté relationnel, j'arrive plus à avoir de relations. Tu vois, si tu préfères, je suis sorti avec des braves filles, c'était pas elles. Mais moi, au bout de 6 mois, ça craquait. Après, je le regrettais, mais... Oui, oui. Bon, et puis comme je suis fier, je regardais plus en arrière. Ouais, ouais, t'arrivais plus à vivre avec quelqu'un, tout simplement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'arrive plus à vivre, à supporter une promiscuité quelconque. Ouais, ouais, ouais. Et puis je dis comment ça va. Donc, et quand je le décide, mais sinon. C'est pour ça d'ailleurs que je vis seul, même en Corse. Tu as participé à la grosse révolte de Saint-Maur en 87. Oui. C'est lié aussi à l'isolement, au quartier d'isolement, cette révolte. Non, la révolte de Saint-Maur, elle est liée à mon dossier. Il y en a beaucoup qui étaient en quartier. Il y en a beaucoup qui étaient en quartier aussi à cette époque-là. Non. En 87, quand vous non, êtes... Non. La révolte de Saint-Maur, bon, on l'a montée. On a fait monter les choses au crescendo, hein. Oui. On a fait monter les choses au crescendo, comme je bénéficiais de ces relais, que ce soit avec la Coppel, que ce soit avec le journal Rebelle, que ce soit... La coordination, Coppel, voilà pour... La coordination s'est faite complètement. La coordination des prisonniers en lutte. Et à partir de là, bon, et puis on avait aussi des comment dirais-je, des courroies de transmission aussi pour d'autres prisons. Donc, par exemple, Q, il n'était pas prisonnier à Saint-Maur, il était prisonnier ailleurs. Mais on avait des coalitions ensemble, on décidait des choses. Bon. Q, c'est un autre prisonnier qui a écrit un livre après, qui a raconté aussi la révolte de Saint-Maur. On a fait monter la pression. Dans le même temps, on politisait ceux qui pouvaient être politisés, parce que, bon, pas tout le monde, hein, mais ceux qui pouvaient être politisés, ben, on partit du principe... bon, la base, si tu préfères, de nos discussions, c'était, pour les amener doucement, tu vois, une conscientisation, c'était de leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas eu le choix que d'être hors société, que c'était des marginaux, mais ce n'était pas foncièrement des voyous, des gens qui étaient appelés à voler toute leur vie. Donc il fallait qu'ils prennent conscience... qui prennent conscience qu'il y avait aussi d'autres espaces à remplir. Et donc, on a commencé à les politiser de cette façon, ce qui nous a permis d'avoir des groupes un peu de partout. Pour parler de Saint-Maur proprement dit, moi, je suis arrivé... Bon, d'abord, j'étais à N6M. N6M, je suis parti en grève de la faim, de la soif. Donc, je suis arrivé à Fresnes, puisqu'ils te descendent à Fresnes. Quand j'ai arrêté ma grève de la faim, de la soif, j'ai dit, moi, si je remonte à N6M, ils ont évité, ils ont dit, on va l'envoyer en centrale de force. Donc, ils m'ont envoyé à Saint-Maur, avec comment il s'appelait, c'est Jacques Hiver. Oui. Oui, mais c'était une prison particulière déjà, Saint-Maur. Saint-Maur, parmi les autres. Dans le fourgon était légèrement vitré, donc. Tu sais, quand je me suis arrivé dans cette campagne, des champs de colza, perte de vue, et puis un blocos au milieu, c'était Saint-Maur. Je lui ai dit, oulala. Bon, à Saint-Maur, il se trouve qu'il y avait, au Saint-Andréen, il y avait pas mal de Corses, dont Piero Albertini et Noël Nathalie Luciani, qui étaient des membres du fond. Bon, moi, quand je suis arrivé à Saint-Maur, avec Jacques Hiver, lui aussi, on est parti de suite en quartier d'isolement. Jacques me disait, il m'avait fait savoir, parce que bon, on avait des moyens de communication en particulier, me faisait savoir qu'il avait observé qu'il y avait le camion de Ben, de la voirie, qui rentrait, qui sortait comme ça, et qu'on pouvait défoncer la porte. C'est vrai, on pouvait défoncer la porte. Jacques me disait qu'il savait le conduire. Moi, j'étais plus sceptique. Je ne croyais pas trop. Mais en fait, il savait. Oui, mais bon, je n'avais pas une confiance. J'étais sceptique. J'ai dit, oui, le type, il t'a dit, je sais faire ci, je sais faire là, et puis après... Sinon, je m'évadais. Hein. Sinon, j'étais partant. J'étais partant sur le principe. Bon, il se trouve que... J'étais donc en grève de la faim, puisqu'on se met de suite en grève de la faim en quartier d'isolement. Là-dessus, vient me voir un surveillant-chef, un Corse, qui me dit... Je suis chargé par vos amis du C31, donc moi je savais qu'il y avait Piero Albertini et Nathalie Luciani, de vous dire d'arrêter la grève. Moi je croyais qu'ils avaient des informations depuis la Corse qui faisaient que mon dossier allait être résolu. Donc j'arrête à la grève de la faim, je monte au C31. Là j'arrive au C31, il y a Piero, bon, qui est brave gens, hein, Piero qui me dit, ah, regarde, tu vois, là on est tranquille, là il y a les Corses, tout ça, on est tranquille, on fait ce qu'on veut, tu vois, badabi, badabam, même dans sa mort, on fait ce qu'on veut. Bon, badabi, badabam, badabi, badabam, j'ai dit, oui, Piero, deux secondes. Toi, tu as pris 8 ans. Au pire, tu vas faire 4 ans et demi. Parce que, bon, l'affaire de la prison d'Ajaccio, il faisait quand même du léger. Hein. J'ai dit, mais moi, on veut me faire sortir en 2009. La situation n'est pas la même, Piero. Bon, j'avais arrêté ma grève à la fin, j'étais au C31, je suis resté au C31. J'ai dit, bon, ben, alors je vais en profiter. Donc, c'était ça au mois d'août 2013. 87. Au mois d'août 87. Donc j'ai commencé à naviguer parce qu'on avait des possibilités de naviguer à l'intérieur de la prison. Il y avait une demi-heure de battement pendant lequel tu choisissais l'endroit où tu voulais aller, soit la salle de sport, soit dehors, soit ci, soit là. Bon. Et il y avait donc, si tu préfères, c'était une galerie principale et un bâtiment C, bâtiment B et bâtiment A. Et donc, moi j'ai navigué, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà politisés, avec qui nous avions des liens épistolaires, parce que bon, à l'époque c'était assez compliqué, même pour correspondre, mais enfin on est arrivé. Et donc je suis parti de l'idée de composer des groupes de combat, bon, qui allaient être cagoulés, hein. 4-5, hein, pas plus, hein. Quatre-cinq types, ils te font un truc énorme si les choses se passent bien. Bon, donc j'avais un groupe au bâtiment A, j'avais un groupe au bâtiment B et j'avais un groupe au bâtiment C. Mais je ne disais rien aux Corses, y compris à ceux du FLNC, jusqu'à temps que ce soit arrêté, qu'on en fixe une date et qu'on arrête une date avec ces groupes. Alors, ils avaient des missions bien précises, c'est-à-dire que quand je serai, moi, du bâtiment C, parce qu'on voit, tu vois tout. Quand ils me verraient à moi commencer à prendre les gardiens, boule de neige. Et le bâtiment avait la première mission, c'était de faire sortir tous les gens du greffe, notamment les femmes, les infirmières, les machins, parce que bon, c'est bien beau, on fait une révolte, on cache tout, on va tout mettre la centrale, mais en fait, il y a aussi des fous, hein, la centrale. Il y a aussi des fous. Moi, je les ai vus pendant la nuit d'émeute, ils avaient les yeux comme des soucoupes. Donc, j'avais rien dit aux Corses. Et puis, au dernier moment, le jour J, je dis à Pierrot, à machin, je savais qu'ils allaient me suivre, parce que j'avais quand même une petite aura, je savais qu'ils allaient me suivre tous. Hein. J'avais quand même une aura, une autorité, bon. Je dis, on descend au socio-culturel, parce que je sais pas, là, je crois qu'il va se passer quelque chose. Je m'en rappelle toujours les paroles de Pierrot qui me dit, bon, ils disent toujours ça, il faut jamais rien, oh, basta. Tu vois? Bon, mais enfin, ils viennent. Mais au socio-culturel, quand on arrive au socio-culturel, et qu'ils me voient commencer à donner des barres à mine, des barres d'altère et compagnie aux uns aux autres qui mettaient sur le truc, Pierrot, il comprend. Il dit, oh putain, c'est lui qui mène le truc. Et donc, évidemment, je pars, je sors du socio-culturel, je me prends une petite barre, je la prends, je sors du socio-culturel, et je vis donc à la hauteur du bâtiment C, il y avait deux gardiens et un surveillant-chef qui discutaient. J'attrape le surveillant-chef comme ça, je sors la barre, et je dis, vous bougez pas, donnez-moi les clés. Je suis à visage découvert, moi. Je suis obligé d'agir à visage découvert, puisqu'il faut que j'arrive jusque-là. Sinon, il me voit arriver de loin. Pierrot, quand il voit ça, très courageux, Pierrot. Oh, hop, il vient lui aussi. Et donc, il a visage découvert, lui aussi. Ce qui fait qu'après, c'est pour ça qu'on discutait, toutes les discussions sont faites, Pierrot et moi, avec les autorités. Et donc, les autres, les commandos, ils font ce qu'ils ont à faire. Et évidemment, on cache tout. Bon, entre-temps, on prend 13 personnes en tout, dont le directeur. Moi, le directeur, il était dans ma propre cellule. Mais on met à tout le monde un système de sécurité. Parce que, bon, le but n'était pas de porter atteinte, de verser le sang. On ne voulait pas. Même un maton, moi je me rappelle, il y avait un maton qui était particulièrement odieux dans tout ce qu'il faisait. Il y avait des jeunes. Ah putain, non, ne faites rien. Et pour les stimuler, je les avais mis au truc de sécurité. De ce matin-là. Bon, alors un peu, oui, un peu casser les bonbons. C'est-à-dire qu'il regardait par le pichet et disait, on va te tuer! Tu vois, bon, l'autre, il était mort de peur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il le faisait pas. Vous les avez enfermés dans les cellules? Vous les avez tous enfermés dans vos propres cellules? Dans des cellules différentes et à travers les trois bâtiments. En les dispersant, évidemment, pour pas qu'ils soient concentrés sur un endroit. À travers les trois bâtiments. Facile d'accès pour un assaut. Et chacun était seul. Bon. Donc, ce qui fait. Qu'ensuite, après, il y a Pandreau, parce que c'était Pandreau, le ministre de la Sécurité, qui avait commencé à faire courir le bruit sur les ondes, qu'il y avait déjà 4 otages de mort, ou 3 otages, ou 4 otages de mort, patati, patata. Nous, immédiatement, on faisait savoir que d'abord, on refusait le terme de prise d'otage. Les gens étaient retenus pour assurer leur sécurité. Donc, ça, c'est le jeu de la dialectique que j'employais aisément. Et ici et là. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que Pierrot et moi, on est partis et on a fait écouter les divagations de Pandreau à tous ceux qui étaient retenus. Donc, y compris le directeur, moi, dans ma cellule, je lui dis, vous avez compris, monsieur Solana, vous avez compris ce que ça veut dire? Et il me dit, ouais. Je lui dis, ça veut dire qu'ils vont donner l'assaut, ils vont le faire comme un Attica, et ils s'en foutent si vous mourrez, hein, au passage. Donc, ce qui fait que, si tu préfères, on s'est allié toutes les personnes retenues. Là-dessus, on a pris le pasteur, Pierre, on a fait faire une lettre à chaque personne retenue pour rassurer la famille, pour rassurer tout le monde dehors. Et on a fait sortir le pasteur, il avait toutes les lettres avec la mission suivante. Surtout, tu donnes rien à la police. Quand tu arriveras au point presse et aux familles, à ce moment-là, tu dévoiles les choses. Donc évidemment, les familles et tout ça ont été... Alors on a fait sortir le pasteur, on a dit attention, c'est le pasteur qui sort, parce que nous, on soudait les grilles. Il y avait une espèce de no man's land, on le soudait. Donc, on le fait passer avec le drapeau blanc, bon, s'il y avait plein, je te dis pas, les grenades fumigènes et compagnie. Il est sorti, et donc à partir de là, on a court-circuité Pandreau et le gouvernement. ce dont nous a été gré Mitterrand, parce que c'était un gouvernement d'alternance à l'époque. Ouais, il y avait Mitterrand qui était président de la République, et il y avait Chirac qui était Premier ministre, et qui avait son ministre de la Sécurité qui était Pandreau. Avec Pasqua. Bon. Et de là, le Pasteur a dit, ce qu'on y avait dit, hein, que nous étions prêts à discuter avec les autorités, enfin, avec ceux qui allaient représenter la répression et les autorités, Piero Albertini et moi. Puisque nous, on avait déjà agi à visage découvert. Donc, de toute façon, tu vois, je vais te dire un peu. Encore que Pierrot, il n'avait pas, toi, bon, c'est moi qui a pris les gens, c'est pas Pierrot le pauvre. Bon, donc ils ont accepté. Alors, ce qui fait qu'ensuite, on passait, Pierrot et moi, ils dessoudaient la grille, on passait dans le No Man's Land, et ils ressoudaient derrière nous. Mais après, la grille, où c'est qu'il y avait toutes les autorités, entre-temps, bien sûr, il était venu. Ils avaient campé l'armée et tout, hein, dans les champs de Konzat, hein, entre-temps. C'était tous mis en place, hein, l'armée. Entre-temps, il était venu le gorgé du GIL. Et donc, ils étaient aux grilles. Mais la dernière grille, elle était... On pouvait l'ouvrir, on pouvait la fermer. Donc, ce qui fait qu'on a commencé à discuter avec le gorgé. Et quand il est montré... Alors, bon, moi, j'avais dit à le gorgé d'emblée, hein. J'ai dit, regarde, tu es militaire. Donc, tu sais pertinemment que les gens, hein, qui descendent, qui délivre les gentils, hein, et qui repartent tranquilles, ça c'est dans les films. Hein. Dans la réalité, ça n'existe pas. Surtout 12 personnes, puisque la haine a resté 12, surtout sur 12 personnes dont tu ne sais même pas où elles sont. Avant même que tu fasses les gestes, nous, à ce moment-là, on ne protège plus personne, les détenus vont les tuer. Hein. Non, restez, on fait comme si... Alors, tu enlèves les... Parce qu'il y avait les pumas qui tournaient et tout, hein. Il y avait des gens qui avaient commencé du GN, tout ça, qui avaient commencé... Ouais, les hélicos qui tournaient aussi. On les entendait marcher sur les toits. Bon, on y dit, tu enlèves tous tes trucs. Alors, Pandreau, il était arrivé sur ses toits, je te dis pas, rouge, fou furieux, parce qu'on l'avait court-circuité. Je vais vous envoyer Moussa. Et moi, à la grille, je fais, qui c'est celui-là? Je fais à le gorgé. C'est le ministre de la Sécurité. Ah bon? Mais c'est un irresponsable. Tu vois, l'autre, il suffoquait. Et le gorgé m'avait dit, bon, de toute façon, laisse dire, laisse faire, c'est moi qui commande, c'est personne d'autre. Moi, je suis envoyé par Mitterrand, c'est moi qui commande. Je suis le commandant du GIGN, et moi, j'ai dit, bon, ben alors ça va, on reste comme ça. Et donc, bon, de temps en temps, il cherchait... Alors, toutes les demi-heures ont passé, Pierrot et moi. Donc, ensuite, on passait... dans la cour de promenade du bâtiment A, parce que là, on avait organisé une espèce de kermesse, hein, comme tu as vu hier, hein, avec les bancs, avec les machins, ils avaient pillé les cuisines, les machins, les bouteilles de vin, la bière, ils avaient fait ils avaient fait comme des comptoirs, tout ça, bon. Et donc, on montait là sur une caisse, Pierrot et moi, et on donnait des nouvelles aux détenus, qui continuaient à casser, entre-temps. Bon, je peux le dire maintenant, parce que, bon, il est décédé. Ah oui, mais là, c'est enregistré quand même, non. Donc, je ne dirai pas le nom de la personne qui a mis en place le système d'explosion des ateliers. On leur a fait exploser un hectare d'ateliers qui est monté dans le ciel. Donc, de là, on, toutes les demi-heures, donc, on montait sur des caisses, Pierrot et moi, on rendait compte quand même aux détenus, parce que tu ne peux pas demander, tu ne peux pas créer une révolte, tu ne peux pas tout faire chaparder et ne pas calculer les gens. Tu vois, même si c'est, certains, c'est des fous. Tu vois, je veux te dire. Ben, ouais. Donc, on faisait ça toutes les demi-heures. Bon, jusqu'à un moment où, ah bon, le gorgé jouait son jeu. De temps en temps, il nous disait, non, mais libérez-nous une personne. Et non, on ne va pas prendre l'initiative de faire traverser cette personne au milieu de types qui sont complètement fous, qui sont complètement... Ah bon, ça va. Mais il revenait quand même. Toutes les demi-heures, il revenait pour qu'on libère quelqu'un. Ce qu'on ne faisait pas. Après, on a joué le rôle du gentil et du méchant. Pierrot, il a joué le rôle du gentil, moi j'ai joué le rôle du méchant. Donc ce qui fait que vers minuit et demi, dans cette tractation, que j'étais passé, moi, 5-6 fois ou 8 fois, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, puisqu'on passait toutes les demi-heures. Je dis à Pierrot, bon, écoute, moi, j'ai pas le gorgé, donc revenant à la charge pour qu'on lâche quelqu'un, je dis, Pierrot, moi, j'en peux plus, là, ça me fatigue, hein. Bon, fais un peu comme tu veux, toi, hein. Moi, je me retire de toute discussion. Et donc, je m'en vais. Ce qu'a fait dire Le Gourgu dans son livre, il y avait un gentil et un méchant, quoi. Avec un, on pouvait discuter, avec l'autre, on ne pouvait pas. Bon, ça, je m'en fous. On s'en foutait. Nous, on a bien rigolé parce que, bon, c'était monté. On a dit, tiens, pour une fois, le gentil et le méchant, c'est pas les Condés qui le font, c'est nous. Bon, passons. Donc, le leitmotiv, moi, c'était que il rentre un journaliste pour qu'on y explique ce qui se passait à Saint-Maur, tout le Bataclan. Et là encore, ben, qu'est-ce que tu veux, j'étais, on m'avait choisi en tant que porte-parole. Donc, à 7h30 le matin, ils ont fait rentrer le journaliste. J'ai fait la conférence de presse au nom des détenus. Et puis après, bon, hein, dans la reddition, il était convenu qu'on sorte chaque fois deux, trois personnes, deux personnes ou une personne, selon les possibilités, au milieu d'un groupe de détenus, pour préserver leur physique. Bon, ce qui s'est passé, au fur et à mesure, bon, après, eux, ils avaient en tête Ibrahim Abdallah. Oui, mais Ibrahim, parce que Ibrahim, pareil, on y avait mis un service de sécurité parce qu'il y a des gens, des imbéciles, hein, tu sais, dans les prisons. Où il est l'arabe, où il est le fou. Ibrahim Abdallah, il était maronite, tu le sais comme moi, il était pro-palestinien. C'était pas bon. Bon, mais enfin, alors comme on voulait pas qu'il lui arrive quelque chose, même malencontreusement, tu vois, je veux te dire, on l'avait mis à l'abri, avec la machin, on a dit, bon, tu bouges pas, tu. Et donc après, le GIGN et tout ça, ils nous ont demandé de sortir Ibrahim Abdallah. Alors on a sorti Ibrahim Abdallah, on l'a fait sortir, ils l'ont pris en hélicoptère, ils l'ont mené en hélicoptère. Et nous, au fur et à mesure, ils nous mettaient, les groupes de détenus, tout ça. Bon, nous, Pierrot et moi, on est restés jusqu'à la fin, derrière, pour être sûr qu'il reste personne dans la prison. On faisait sortir un groupe de détenus, machin, au fur et à mesure, ils les mettaient entre les murs de ronde, attachés. Tu vois, avec, il y a les cordons de CRS, il y avait, bon, enfin, ça après c'est tous les systèmes de sécurité qui se mettent, là, comment ça s'est passé. Et quand on est sortis, nous, ben pareil, hein, ils nous ont attaché tout ça. À un moment donné, on avait envie de pisser, ils ne voulaient pas. On était attachés comme ça, les pieds, parce que là, ils nous avaient enchaîné les pieds et tout, hein, les pieds, les mains, avec des chaînes. Pierrot s'était levé comme un fou. Pierrot était très courageux, hein. Il s'était levé comme un fou, il avait dit, il y a la mort, moi, je maintenant, je suis là. Après, Pierrot et moi, et certains, ils nous ont amenés à la santé, d'autres, ils les ont amenés à. Parce qu'ils ont dispersé, tu vois. Voilà, ils ont dispersé les détenus. Noël, il s'était retrouvé à Clairvaux, mais Pierrot et moi, on était à la santé. Quand on est arrivé à la santé, on nous a mis au cachot, tous. On a passé la nuit au cachot, et puis après, ils ont fait sortir tout le monde, bah, sauf moi. Et moi, je suis resté, donc, en quartier d'isolement de la santé. Il y avait Charles Piré, entre-temps, qui avait été arrêté, donc, qui était à côté. Comme j'avais pas mes affaires, j'avais pas de poste, rien du tout. Quand tu es pris comme ça, c'est après que tu reçois tes propres affaires, tout ça. Donc, il me tenait au courant des nouvelles, des ci, des là, tu vois. Et puis, voilà. Ça. Alors, après, il venait me voir, moi, dans la cellule, le staff, hein. Le staff de la chancellerie, tout ça, monsieur le Viconi, celui-là, titi, la révolte de Saint-Maur, c'est votre révolte, c'est par rapport au dossier ou c'est la révolte des détenus? J'ai dit, vous savez, l'un et l'autre, on ne sont pas incompatibles, puisque le Viconi lui-même est détenu. Oui, mais c'est plus. Pourquoi? Il y a un dossier alors? Ah, il y a un dossier alors? Ah, parce que jusqu'à présent, vous disiez qu'il n'y avait pas de dossier politique. Tu vois, et bien, chaque fois, je les prenais à contre-courant, tu vois. Après, des fois, quand ils venaient, je leur disais, mais vous êtes des harkis, vous? Ils m'envoyaient des Corses. Alors j'ai dit, vous êtes des harkis? Putain, quand même, tu me traites. Bonaldi, pareil, j'avais dit, quand même, tu me traites de harkis. Non, le fait est que toi, tu restes en quartier d'isolement pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a aucun directeur, tu sais que les directeurs de prison sont chacun autonomes. Il n'y a aucun directeur de prison qui te veut. Parce que de partout où tu es passé, tu as mis des révoltes. Et effectivement, il n'y a aucun directeur. Non, moi, j'en veux pas. Et quand je suis arrivé, que Bonaldi m'a imposé à Melun, les premières paroles que m'avait dit l'intendant, il s'appelait le directeur de Melun. Les premières paroles qu'il m'avait dit, donc il te reçoit dans le bureau, tout ça. Moi, c'est pas de gaieté de cœur que je vous reçois. Hein, ben, j'ai dit, écoutez, c'est pas difficile, vous me faites repartir. Hein. Ben, il pouvait pas. Il y a le truc de la chancellerie, tout ça, tu vois. Bon, après, il avait changé d'attitude parce qu'il s'était rendu. Parce que la chancellerie me téléphonait dans son bureau et demandait à me parler. Le directeur des affaires criminelles et des grâces, tout ça, il demandait à me parler à moi. Donc, moi, je parlais, non, votre dossier va être résorbé, votre. Mais ça, c'est donc en 88. De 87 à 88, je suis resté en quartier d'isolement à santé, c'est en 88, et Pâle, ça a été 93 quand même, ma libération, et encore, et encore, pas facile, pas facile. Pour les QHS, voilà, je le redis, le QHS, c'était des QHS dans toutes les prisons, hein, je crois, hein. Moi je parle de Marseille que je connaissais, mais je crois qu'ailleurs aussi, hein, les surveillants, ils ont lésiné, hein. À accepter ce passage de QHS.